Minae, Minao, Minae, côté Ponzaka. Minae, Minao, Minae, côté Ponzaka. Minae, Minao, Minae, côté Ponzaka. Ça soit là. Ça demande que ça soit.